Il va falloir m'excuser parce que je vais parler d'un sujet qui touche la base, mais tu sais, vraiment la base même de, ben, une des bases de la foi, de la vie chrétienne. Et pourquoi? Parce que il a fallu que j'y aille. Et ça fait un mois, un peu plus qu'un mois, que je cherche, que je réfléchis à qu'est-ce qu'on va parler ce matin. Et puis, j'arrivais pas à me sortir de ce sujet-là. Alors, bon, on va en parler. C'est de ça que Alphonse nous a commencé ce matin. Hein? On va parler de péché. Hein? Il nous a dit ce matin que, hein, il nous a parlé d'un, il nous a montré un texte, hein, où Jésus disait, non, non, c'est pas par leur péché ou à cause de leur péché. Glenn nous a raconté aussi l'histoire du jeune homme aveugle. Donc, on a parlé de péché, on a introduit comme ça, puis on ne s'est pas parlé. Hein? On s'est vu hier, mais on n'a pas dit de quoi on allait parler ce matin. Alors, amen. J'étais content de t'entendre. Alors, je vais commencer comme ça. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Ça, c'est les versets que les évangélistes utilisent le plus. Hein? Si tu veux évangéliser quelqu'un, ben si tu voulais, parce qu'aujourd'hui, c'est d'autres choses, mais quand j'ai commencé ma vie chrétienne et quand on m'a dit que j'étais un évangéliste, la première chose qu'on m'a appris, c'est à utiliser ces versets-là le plus tôt possible dans une conversation. Hein? Donc, hein, c'est tous ont péché, puis ils vont tous en enfer. Hein, c'est à peu près ça. C'est ça qu'on veut dire. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler ce matin. OK? Je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire péché? Et quel effet a le péché sur nous? Et ça fait quelques mois que je réfléchis à ça. Et je dirais même presque un an que je réfléchis à qu'est-ce que ça veut dire péché? Et quel effet il a sur nous. Et j'ai commencé exprès avec ces deux versets-là parce que ça va être la dernière fois que je vais les nommer pour dire que c'était effectivement des versets très à la mode pour enseigner ou pour évangéliser. Et qu'aujourd'hui, si on s'en va rencontrer un ami, nos frères, nos sœurs, nos mères, nos pères, nos cousins, cousines, nos confrères de travail, puis qu'on commence avec ça, la chance, c'est que la conversation termine très vite et qu'on arrête là. Et dans Hochelaga Maisonneuve, si on fait ce genre de choses-là, la chance de non seulement que la conversation se termine vite, mais ça peut tourner violent aussi si on fait ça. Donc, c'est la dernière fois aujourd'hui que je vais prononcer, vous les savez, là, je ne vais pas le faire. Ce que je cherche à comprendre, c'est quoi exactement le péché. Puis, je vais vous donner un peu mon arrière-plan. Moi, je viens d'un arrière-plan plutôt violent. J'ai déjà partagé un peu mon témoignage. C'est plutôt violent et axé sur quelque chose du genre action-réaction. Donc, si tu fais quelque chose de pas correct, et c'est toujours mauvaise action-réaction, parce que si tu fais quelque chose de correct, la réaction ne vient pas. Hein. Donc, tu sais que tu as fait quelque chose de correct parce que tu n'as pas mangé une plaque. Okay? Mais si tu fais quelque chose de pas correct, la réaction est assez instantanée dès qu'il y a une compréhension qu'il y avait quelque chose de pas correct de fait. Je vous donne un exemple. Je suis assis à la table chez nous, au repas. On prend un repas familial, mais on n'a pas le droit de parler. Hein? C'est silence. Tu peux pas parler. Tu peux pas dire « j'aime pas ça » ou raconter ta journée ou whatever. Faut pas parler, c'est silence. Pierre, ça c'est le chum à ma mère, 6 pieds 2, 360 livres. Quand tu as 8 ans, 6 pieds 2, 360 livres, tu appelles ça un Goliath. Hein? C'est un géant, OK? C'est immense dans une maison. Et Pierre, lui, il est assis à ma gauche. Hein? La table est rectangulaire comme ça, il est assis là, puis lui, il regarde la TV quand on mange. Mais nous autres, on ne peut pas regarder la télé. Lui, il peut. Lui, il peut parler, nous autres, on ne peut pas. Mais lui, quand il parle, grosso modo, c'est pour nous chanter des bêtises ou quelque chose dans le genre, mais c'est à peu près ça. Donc, il m'arrive, par erreur, de lever les yeux et de regarder la télé. Et qu'est-ce qui arrive à un enfant là, quand il tourne la tête vers la télé? Êtes-vous capable de lui enlever la tête de là? Hein? Tu le prends par le bras puis tu l'enlèves, sinon il ne va pas y aller. Hein? Bien là, moi, 15 secondes, là, je ne pense pas que ça devait être plus que 15 secondes, mais c'était 15 secondes de cours. La claque est venue en arrière de la tête. Bon, là, je raconte ça, ça fait un peu drôle, là, mais quand tu as 8 ans, ça fait mal. La lèvre, c'est le bord de l'assiette, la lèvre saigne. Tu sais qu'il ne fallait pas que tu regardes la télé. Donc, la réaction, elle est instantanée. Puis là, je vous raconte un petit événement qui peut peut-être paraître gros pour vous, mais c'est tout petit, ça, comparé à bien des affaires. Alors, j'ai grandi dans un environnement où, si tu fais quelque chose de mal, la réaction mal vient instantanément. Dans la mesure où on comprend que, donc, il faut que tu sois intelligent. Si tu fais quelque chose de mal, arrange-toi pas de faire pogner. Hein? Ça, c'est la première règle. OK? Fait que j'ai grandi en cachant ce que je faisais le plus possible. Hein? Si je prenais quelque chose, je prends un exemple, si je vais dans la salle de bain, puis je suis dans la salle de bain de mes parents, parce qu'on a une salle de bain en haut, eux autres, il y en a une en bas, mais si je déplace quelque chose, je ne sais pas moi, un pot de tube de pâte à dents ou whatever, je m'arrange que lorsque je le prends, je sais dans quelle position il est et je le remets exactement comme ça. Parce que la journée qu'ils se rendent compte que quelqu'un est rentré dans cette salle-là, ça va faire mal. Donc, on s'assure que... Donc, les réactions sont toujours comme ça. J'ai grandi comme ça. Donc, quand j'approche la vie chrétienne, je l'approche de la même manière. Moi, j'ai accepté le Seigneur, je me suis converti, j'ai reçu Dieu dans ma vie, prenez-le de tous les sens que vous voulez, sur la crainte de l'enfer. Mais c'est à peu près normal avec la jeunesse que j'ai passée. Hein? Il y a forcément un courroux quelque part qui va tomber si tu fais quelque chose de pas correct, donc il est préférable de faire quelque chose de correct. Okay? C'est comme ça que j'ai grandi. J'avais péché envers Pierre, le chum à ma mère, la claque est venue et j'ai compris. Il fallait plus que je fasse ça. C'est compliqué chez nous maintenant parce que là, on parle, on fait toutes sortes d'affaires, c'est l'heure du souper. Aujourd'hui, ce que je cherche à comprendre, c'est qu'est-ce que ça veut dire péché. Je sais qu'on ne devrait plus utiliser ce mot-là en 2010 et puis qu'il ne faut pas, mais bon, on est entre nous en famille, là, on va utiliser les vrais mots, OK? Puis quand on sera dehors, on utilisera d'autres mots. Mais si on est capable de bien définir ce qu'est péché, on va être capable aussi de trouver des synonymes qui ont plus de références envers nos amis, envers nos confrères de travail, consœurs de travail, notre environnement autour de nous, qui ne parlent pas notre jargon, qui n'utilisent pas nos patois. Donc, c'est ça l'objectif de mon exercice ce matin. J'ai lu, j'étais allé sur Internet, moi je suis un informaticien, donc des livres ça coûte cher, l'Internet c'est gratuit. Donc, tu vas sur Internet puis tu cherches, hein, tu googles, ça c'est un nouveau verbe, ça va forcément sortir à un moment donné, googler, hein, ça vous dit quelque chose ça, googler? OK, hein, j'ai googlé, hein? Que veut dire péché? Hein? Ou en anglais? What does mean sin? Ben, les réponses en anglais, sin, c'est serial insurance number. Donc, c'est pas tout à fait la même signification, mais à un moment donné, un peu plus bas, tu as des références. Mais ils sont les mêmes. Les définitions sont pareilles. Tout le monde donne la même définition au péché, donne les mêmes enseignements, la même chose. Donc, je me suis dit, soit il y a une conspiration où tout le monde a enseigné la même affaire, ils ont tous entendu la même prédication ou le même enseignement pour aujourd'hui nous transmettre la même information. Parce que j'ai cherché et j'ai pas trouvé personne qui définisse le péché d'une manière différente. Tout le monde a la même définition. Et c'est facile. C'est parce que c'est défini dans la Bible. Il est clair, net et précis, il y a une définition. Voici ce qu'est la définition du péché. Donc, c'est comme assez simple. Qu'est-ce que la définition du péché? Est-ce que quelqu'un la connaît, la définition? Oui, on va venir à ça. Mais ça, c'est une traduction littérale. Je vais y arriver. Mais une définition, la référence est dans Jean. 1 Jean 3, 4. C'est ça? 4-3 ou 3-4? Ouais, ça doit être 4-3. J'ai écrit 3-4, mais c'est peut-être 4-3. Oh, moi je lis 6, là, c'est 3-4. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Le péché, par définition, c'est violer la loi de Dieu. Bon, OK. C'est quoi la loi? On pourrait prendre tout le Pentateuque, là, puis passer à travers. Ça vous tente-tu? Mais on va résumer ça comme ça, OK? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour te tromper. Pense à observer le jour du sabbat. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas. J'ai lu rapidement Exode 20, pour ceux qui cherchent. Donc, on résume dans les 10 commandements, puis là vous allez peut-être me dire, oui, mais aujourd'hui on est dans un air de grâce, et je me souviens d'un enseignement que Jacques a donné, qui dit, celui qui, hein, la grâce, c'est dépasser la loi, hein? C'est ça que tu as dit Jacques, hein? C'est la grâce, c'est dépasser la loi, donc si je dis, je suis sous la grâce, la loi ne s'applique pas, je redeviens donc sous la loi, ça c'était un résumé rapide là, de l'enseignement de Jacques, c'est à peu près ça? Oui. Oui. Je suis d'accord. Et on peut utiliser ça pour dire, effectivement, je m'aime pas toujours très bien et j'aime pas beaucoup Dieu et mon prochain. Hein? Ou ça fait mon affaire, ça marche, là, mais à d'autres endroits. Jésus, dans Matthieu 15, nous a dit, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, le sixième commandement, les adultères, le septième commandement, l'impudicité et les vols, le huitième, les faux témoignages, le neuvième, les calomnies, le blasphème, le troisième. Voilà les choses qui souillent l'homme. » Donc, Jésus parle de ce qui vient à l'intérieur de nous et qui sort. Et c'est ça qui nous fait passer à côté. Donc, là, je vous balance ça en vrac, là, mais ça fait un an que je réfléchis à ça, puis j'ai 30 minutes pour vous l'expliquer. Donc, c'est pas simple, mais l'objectif, c'est vraiment d'essayer de mettre là, très, très condensé, OK, le péché, violer la loi de Dieu, grosso modo, passer à côté, ne pas la respecter. Et puis là, ben, j'ai utilisé juste deux péricopes, Exode 20, les 10 commandements, et ce que Jésus dit de ces 10 commandements-là. Comment est-ce qu'on les viole? Pas en ne les respectant pas, mais c'est ce qui sort de nous. On est comme ça. Puis là, on pourrait sortir plein d'autres qui viennent. Quand je suis devenu chrétien, j'ai appris que il fallait pas pécher, parce que si je faisais ça, ça m'éloignait de Dieu. On m'enseignait que si je péchais, Dieu s'éloignait de moi, il s'en allait. On a une référence à ça. Ésaïe 59, encore une fois, tout le monde qui parle du péché utilise ce texte. Hein? Ce sont vos fautes qui vous éloignent de moi. C'est pas que je suis sourd, mais vos fautes, vos mains sont tachées de sang. Donc, il va Ésaïe 59, 1 et 2. Le péché crée un fossé qu'on enseigne et que j'ai appris. Hein, il y a un fossé qui se crée entre moi et Dieu lorsque je pêche. J'ai appris aussi que si je pêchais, je mourrais. Hein? Je l'ai nommé au début. Puis après, bon, on m'a un peu spiritualisé ça. Non, c'est une mort spirituelle. Hein? Puis c'est comme ça qu'on m'a parlé de l'enfer. C'est une mort spirituelle. Aujourd'hui, je me posais la question encore. OK, ça veut dire quoi tout ça? Certaines traditions chrétiennes enseignent que même après le salut, après avoir entré en relation avec Christ et recevoir cette relation-là, lorsqu'on l'a reçue, certaines traditions enseignent que si je pêche et que je meurs avant de m'être repenti, que je vais perdre mon salut. Ça, c'est des traditions. Là. Je ne vous dis pas que c'est ça. Je ne prends pas position. Je fais juste vous balancer de l'information. Okay? Faites ce que vous voulez que ça. Okay? C'est pas fin. Hein? J'ai cherché à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, tout ça. Parce que c'est trop. Il y a trop de. D'un côté, c'est impossible de le perdre. De l'autre côté, on peut le perdre. Et puis, il y a tellement de zones grises à travers tout ça. C'est pas blanc et noir. C'est pas vrai. J'ai vécu beaucoup de ma vie chrétienne avec du blanc et du noir. Glenn et Sandy peuvent en témoigner. Et il a fallu que j'apprenne à mettre un peu de gris dans tout ça, hein, mélanger le blanc et noir, parce que c'est pas vrai que c'est toujours, blanc et noir. Donc, on va laisser un petit peu de côté tous ces versets-là, puis on va essayer d'entrer un peu dans quelque chose de plus pratique. Quand j'étais pasteur jeunesse en France, je faisais des soupers comme Jacques fait avec les jeunes adultes. Je faisais des soupers avec les jeunes. Et il y avait une question qui revenait systématiquement, tout le temps. Tout le temps. Peut-être que c'était dû au fait que je ne répondais pas à la question, qui revenait tout le temps. Ou bien non, qu'ils n'aimaient pas la réponse que je leur donnais. Ça aussi, c'est possible. Mais elle revenait tout le temps. Cette question-là est assez généralement simple chez les jeunes adultes. Ça a leur rapport aux relations hommes-femmes. Hein? Avant ou pas avant, puis après, ou le mariage et tout ça, la sexualité. Puis ça revenait, c'était constant. Assez qu'il a fallu, à un moment donné, que je dise, ça fait 4 semaines qu'on parle de ça, on va passer à d'autres choses aujourd'hui. Okay? Parce qu'il revenait toujours avec la même question. Et la raison pour laquelle, à mon avis, ils revenaient, c'est que au lieu de leur donner une réponse toute faite, tu ne dois pas, hein, je leur disais plutôt, voici c'est quoi l'idéal de Dieu et comment faire pour arriver à cet idéal-là. Mais le comment faire, il m'appartient à moi, il m'appartient à toi, c'est chacun en face de Dieu, qui va décider du comment arriver à cet idéal-là. Mais c'est l'idéal. L'idéal de Dieu, c'est qu'un homme et une femme se marient et restent mariés toute leur vie. La réalité, c'est que 50% de ceux qui se marient divorcent. L'idéal de Dieu, c'est qu'un homme et une femme aient des relations sexuelles à l'intérieur du cadre du mariage. La réalité, c'est que on sait très bien que ça se passe avant. L'idéal de Dieu, c'est que je paye mes impôts, que je ne vole pas, que je ne mente pas. La réalité, c'est que je mens. Ça m'arrive. Du petit mensonge, hein? Ça m'arrive. Mais il y a une différence entre l'idéal de Dieu et la réalité. Et ce que je disais aux jeunes, c'est si tu veux atteindre l'idéal, c'est ta relation avec lui qui va déterminer comment est-ce que tu vas t'approcher de l'idéal. Mais là, c'est encore très philosophique, ça. Ma relation. Comment est-ce que je peux être en relation avec quelqu'un que je ne vois pas, que lorsque j'y parle, il ne me répond pas, ou quand il me répond, je n'entends pas ou je ne comprends pas? Comment est-ce que je fais pour déterminer si c'est lui qui parle ou quelqu'un d'autre? Ça, c'est toutes des questions là, que les jeunes posent. Hein? Comment est-ce que je sais que c'est Dieu qui me parle? si je suis en relation avec quelqu'un que je vois pas, comment je fais ça? C'est facile d'être en relation avec Jules. Ben, c'est facile. En tout cas, c'est plus facile pour moi d'être en relation avec Jules que de l'être avec Dieu. Parce que lui, je peux l'appeler, je peux le voir. Quand je le vois le dimanche matin, j'y serre la main, j'y parle, il me répond. Hein? J'entends sa voix. Y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà entendu la voix de Dieu sans se faire traiter de fou? Hein? Jules, c'est bon ça. Faudra tout le monde comment ça marche. Hein? C'est compliqué ça. Donc, c'est très philosophique. Puis ce que je leur donnais comme information, comme verset, c'est le psaume 119, 11. Dans mon cœur, je conserve ta parole afin de ne pas pécher contre toi. Dans mon cœur, je conserve ta parole afin de faire ta volonté. Dans mon cœur, je conserve ta parole afin de respecter ta loi. C'est tout ça que veut dire ce verset-là. Ne pas pécher contre, c'est donc de respecter la loi. Puis, j'associais à ce verset-là 1 Corinthiens 10, 13. Connaissez-vous? Les tentations qui vous ont assaillies sont communes à tous les hommes et femmes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Wow! Il y a un sauve-conduit. Il y a une manière de passer à côté de ne pas respecter, de ne pas atteindre l'objectif. Je l'ai dit tout à l'heure, péché, c'est manquer la cible. Ça, c'est une traduction littérale du mot, une traduction mot à mot de péché. Passer à côté du but, manquer la cible. C'est un archer qui vise, hein, vous avez vu les Jeux olympiques, ben, c'est des carabines, mais OK. Il tire et il manque la cible. Il a péché. OK? Et la conséquence de son péché, c'est qu'il a manqué la médaille. C'est aussi simple que ça. Il n'a pas eu la médaille. OK? Il courait pour la médaille, mais il n'a pas visé comme il faut. Il a péché. La conséquence, il n'a pas la médaille. Mais comment je fais pour entendre le sauve-conduit? C'est une question que je me suis posée. Qu'est-ce que je fais pour réussir à comprendre qu'il y a effectivement un sauve-conduit lorsque je suis tenté? On a toutes sortes de choses qui nous tentent. Donc, généralement, à chaque fois, il y a un moyen de passer à côté de la conséquence du péché, du résultat, donc de péché. Mais pour ça, il faut que je puisse entendre sa voix. Si je ne conserve pas sa parole, si je ne la lis pas, je le sais, là, peut-être, puis retenez-moi bien, là, je ne dis pas que j'arrive à lire la parole à tous les jours. Je connais des gens qui arrivent, mais je n'y arrive pas. C'est difficile. Ça prend une discipline extraordinaire pour réussir à faire ça. Mais je sais par contre que lorsque je lis, il y a quelque chose qui... Ça a un effet. C'est comme boire de l'eau après que tu as bien soif. Tu sais, c'est... Wow! Tu sais, tu as une grosse soif, là. Tu te cales une bouteille d'eau fraîche, là. Hein? Ça fait revivre. Hein? Bien, lire, c'est ça que ça me fait. Bizarrement, j'ai pas soif assez souvent. Hein? Je m'exerce pas assez. Je sais pas, je dois pas courir assez pour m'essouffler et avoir soif. Donc... Mais c'est ça que le psaume 119 nous dit ici. Je conserve la parole, je la lis, je l'apprends. Bien, lorsque la tentation va arriver, bien, la parole va faire son effet. Dieu va parler et c'est souvent un verset qui va nous ramener, qui va nous aider à passer à côté, à résister. pour entendre la voix, il faut savoir l'écouter. Si il y a, disons, prenons hier, il y avait 80 jeunes ici avec de la musique pas mal plus forte que ce qu'on joue ici le dimanche matin. À la limite du feed, il faut contrôler. Si ma mère était rentrée sans que je la voie et qu'elle avait dit « Michel », je me serais retourné la tête instantanément et j'aurais su que c'était elle, malgré la cacophonie qu'il y avait là. C'est une voix que je sais reconnaître parce que je l'ai entendue toute ma vie. Si je lis la parole autre que juste le dimanche matin, parce que souvent c'est ce que je fais, bien, je vais m'habituer à entendre. Et lorsque la tentation va venir, l'effet va être là. Et on va pouvoir appliquer ensemble 2 Timothée. 2 Timothée 3,16 nous dit à quoi sert la parole. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser. Quand la tentation vient, je peux la refuser, la réfuter avec la parole, la redresser. Souvent, la tentation, c'est un mensonge, c'est le bien détourné de son but. Je fais juste « ouais, mais c'est pas si mal que ça, ça, en fin de compte. » Tu sais, puis là, tu... apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Dans ma recherche, j'ai compris qu'il fallait que je sois discipliné à lire la parole parce que c'était là qu'était, si on peut dire, le secret du succès. L'effet qui est supposé avoir le péché sur ma vie. Certains m'enseignaient que c'était pour me séparer de Dieu. Ou que j'étais pour aller en enfer. Certains m'enseignaient que son courroux, whatever, je vais appeler les comme vous voulez, la claque était pour venir. Puis moi, je l'attendais, la claque, parce que j'étais habitué de l'attendre. Hein? Je l'ai reçu toute ma vie. Donc, si je fais quelque chose de pas correct, c'est instantané, la claque, elle vient. Donc, avec Dieu, je m'attends à la même chose. Je ne vois pas pourquoi ça y réagirait autrement. Puis, on m'enseignait ça aussi. Où j'ai accepté cet enseignement-là aussi. Parce que je suis certain que j'ai entendu des enseignements qui disaient, qui parlaient de l'amour et tout ça, mais j'étais tellement conditionné à la réaction, à la claque, que je n'entendais pas le message de « c'est par amour, c'est l'amour ». Ça fait 20 ans qu'il me dit qu'il m'aime. Ça fait 20 ans que quand je parle avec Glenn au téléphone, il finit l'appel en disant « je t'aime ». Ça fait à peu près 3 ans que je le comprends. Il est patient, hein? Puis moi, j'ai la tête dure, effectivement. Oui, c'est ça. On m'a enseigné que Dieu me pardonnait comme moi je pardonne. Et on utilisait le Notre Père pour faire ça. Hein, parce que dans le Notre Père, ça dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Mais le Notre Père, c'est un enseignement à comment prier. Une prière, c'est quoi? C'est moi qui demande quelque chose à quelqu'un. Hein, dans ce cas-ci, à Dieu. Mais je peux demander quelque chose à Alphonse, c'est aussi comme une prière. Hein? « Peux-tu me rendre tel service? » Ou « Est-ce que tu pourrais faire ça pour moi? » »« Est-ce que tu aurais telle chose? » Ou « Est-ce que tu peux prier pour moi? » Hein? Mais je le prie de prier pour moi. La prière, c'est de demander, c'est de reconnaître quelque chose envers quelqu'un. Et lorsque Jésus nous enseigne à prier « Pardonne-moi comme je pardonne », ce qu'il est en train de nous dire, c'est comment je devrais agir, pas comment lui agit. Mais j'ai accepté ça pendant longtemps dans ma vie. Dieu me pardonne comme moi. Je pardonne. Puis moi, je pardonne pas bien. Je suis pas quelqu'un de rancunier. Je suis pas fait de même, ça marche pas. Je suis plutôt naïf. Donc, je suis pas rancunier. Mais, malgré ça, je suis quand même un être humain, puis c'est dur de pardonner. Il y a des affaires que je ne suis pas sûr que j'arriverai à pardonner. Donc, si Dieu me pardonne comme je pardonne, je suis vraiment dans le trouble. Mais ça fait mon affaire parce que c'est comme ça que j'ai grandi. Hein? C'est de même, moi, je vous ai parlé un peu de mon arrière-plan. C'est de là que je viens. Hein? Donc, si tu fais quelque chose de pas correct, tu vas manger une plaque. Puis une plaque, c'est gentil, ça. Ça, c'est une petite punition. À l'inverse, Dieu pardonne toujours. Si je prie le Notre Père et que je lui dis « Pardonne-moi comme je pardonne », je devrais être conscient de ce que je suis en train de demander. Et je devrais dire « Seigneur, aide-moi à pardonner aussi. » Dieu est patient, il est plein de bonté. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Donc, vous avez dit aussi qu'il a pogné ça. 1 Corinthiens 13. L'amour. Si Dieu est amour, et puis que 1 Corinthiens 13 nous parle d'amour, tu prends amour, tu le remplaces par Dieu, ça va te dire qu'est-ce que Dieu est. En tout cas, une partie. Une bonne idée. Faites l'exercice d'aller voir, c'est très intéressant. Mais, juste ça, là. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance, il espère, il persévère. Hébreux nous dit que la foi, c'est la ferme assurance dans les choses qu'on espère. Dieu a foi en moi. Impressionnant, ça. J'ai compris ça, il devait être 2 heures le matin. Je n'arrivais pas à dormir, puis Dieu a foi en moi. Je ne pensais pas que Dieu pouvait avoir foi en quelque chose, mais il espère en moi. Il a de l'espérance envers moi. Il me regarde avec compassion. J'ai fait un exercice, et je vais terminer avec ça. J'ai fait un exercice cet été. J'étais allé passer une fin de semaine comme itinérant dans le centre-ville. J'ai dormi dans le parc Vigée. C'était la première nuit froide en bas de zéro de l'automne. C'était pas cet été, là, c'était cet automne. Dormir dans un parc en bas de zéro, c'est pas une bonne idée. Mais il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé. Le samedi soir, on est allé à la mission Bon Accueil, c'est ça? Non, à la Maison du Père. On est allé à la Maison du Père. Et puis, on avait une place à coucher. On a été reçus là, comme des itinérants. Et, bon. Puis on n'avait pas dormi de la nuit. Hein. Moi, j'ai pas fait ça tout seul. Là. Je l'ai fait avec un ami en passant. Puis, c'était pas simple là, d'arriver. C'était très humiliant d'arriver là. Puis là, t'es itinérant. Hein. T'es catalogué comme itinérant. Puis on te traite comme un itinérant. Et puis j'ai pas dormi. Quand je dors pas, quand je suis très fatigué, j'ai les yeux qui s'injectent de sang très, très rapidement. J'ai les yeux très rouges. On pourrait penser que je suis drogué. Hein? En réalité, c'est que je fais de l'eczéma sur la paupière, puis ça se jette dans mon œil. Et puis c'est juste ça. Donc, quand j'ai passé devant l'intervenant, il ne m'a pas demandé si j'avais un problème de drogue. Il m'a demandé si c'était mon problème de drogue qui avait fait que j'ai perdu ma job. Il m'a dit, t'as perdu ta job à cause de ton problème de drogue? Lui, il pense que je suis gelé en avant de lui, là, mais je suis juste crevé. Et puis, forcément, j'ai les yeux injectés de sang. Puis là, en plus, j'ai dit, non, j'ai pas de problème de drogue. Fait que là, j'étais un drogué qui nie son problème de drogue. OK. Mais il a respecté ce que je lui ai dit. On a passé. Puis quand je suis arrivé pour aller manger, c'est genre cafétéria, on passe. Et à la salade, ce que je mange pas, il y avait une fille là, qui est là. Cette femme-là m'a regardé avec ce que je pourrais comparer à c'est quoi un regard de compassion. J'ai jamais vu quelqu'un me regarder comme ça. Jamais. Mais j'étais peut-être dans une situation là, très... moi, là, j'ai un caractère fort, mais là, j'étais en position de faiblesse et même humilié. Donc, tu sais, J'étais pas mal courbé, à mon avis. J'étais fatigué. Et quand je l'ai vue, là, elle m'a fait du bien. Ça a été impressionnant comment elle m'a donné envie de continuer. Comment. Et elle m'a rien dit, là. Je ne connais pas son nom. Je ne sais pas c'est qui. Je ne la reconnaîtrai pas dans la rue. Je l'ai vue une fraction de seconde, juste le temps de la voir me sourire. Mais avec un regard de compassion, je n'avais jamais vécu ça. J'aurais aimé pouvoir lui dire qui j'étais, qu'est-ce que je faisais là et qu'est-ce qu'elle venait de faire. L'encourager. C'est comme ça que Dieu nous regarde. En tout cas, c'est ce que je me plais à voir, à comprendre. C'est comme ça que Dieu me regarde. Donc, dans ma recherche, ce que j'ai compris, c'est quatre choses. J'ai compris que pécher, c'est manquer la cible, passer à côté du but, et que ce but-là, ce sont les prescriptions morales de Dieu pour ma vie. Ce sont le niveau moral que Dieu aimerait que j'atteigne. Je comprends aussi que les conséquences du péché, ce n'est pas Dieu qui les donne. Ils viennent avec le péché. Hein? C'est comme la queue de la comète. Elle fait autant de dommages des fois que la comète elle-même. Les conséquences du péché sont imprégnées dans le péché lui-même. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de moi. C'est moi qui ferme la porte. Ce n'est pas lui qui me frappe. Il ne ferait pas ça. Dieu ne trame pas le mal. Et me frapper, c'est mal. Dieu ne nous veut pas de mal. Il nous aime. Donc, c'est les conséquences qui viennent avec. Et c'est pas simple, ça. C'est pas simple à accepter pour quelqu'un qui, à chaque fois qu'il fait quelque chose, il attend une réaction physique. Tu sais, c'est descendre, que ta foudre descende. Hein? Les disciples ont demandé, hein, « Veux-tu qu'on brûle le village? » Hein? Ils étaient prompts, eux autres. Hein? Ils voulaient revoir un Sodome et Gomorre. Hein? Donc, non. Et Jésus a répondu avec compassion et avec désarroi envers ses disciples, qui manquait tellement d'amour de demander une chose comme ça. Les conséquences du péché ne sont pas données par Dieu, mais sont attachées au péché lui-même. Dieu pardonne toujours et en tout temps. Reconnaître ma faute, ce n'est pas pour qu'il me pardonne. Il l'a déjà fait à la croix. Il m'a pardonné de toutes mes fautes à la croix. Reconnaître mes fautes, c'est reconnaître que j'ai besoin de lui pour ne plus y arriver, pour ne plus faire. C'est reconnaître que sa parole est toute la solution pour arriver à son standard. C'est ça, reconnaître ma faute. C'est pas de demander pardon. Si les chrétiens passaient tout le temps qu'ils passent à demander pardon pour le péché, à intercéder pour les autres, mon doux qu'on aurait du fun. On passe tellement de temps à demander pardon pour nos fautes, alors qu'ils sont déjà tous pardonnés. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut que vous arrêtiez de demander pardon. Reconnaître sa faute, c'est reconnaître qu'on a besoin de Dieu. Mais ça, c'est une phrase dans Notre Père. Hein? Le Notre Père est beaucoup plus long que ça. Et pour finir, pour avoir accès à la porte de sortie de la tentation, je dois m'entraîner à entendre sa voix. Et souvent, une lecture quotidienne ou hebdomadaire, en tout cas, une lecture fréquente, le plus fréquent possible, va nous aider à faire ça. C'est une pratique qui est bonne pour notre âme, qui est bonne pour nous. Donc ça, c'est un an de recherche, là, grosso modo, que je vous donne là en 40 minutes. Donc, je vais juste prier et j'espère que vous allez en retirer un grand bien. Seigneur mon Dieu, on veut te louer, t'adorer, te remercier pour ta parole, te remercier pour ce que tu nous enseignes, ce que tu veux de nous, ce que tu veux pour nous. Te remercier pour ton amour. Papa, je ne veux plus rechercher la claque, l'éclair qui descend. Je veux rechercher ton regard de compassion et d'amour. Je veux recevoir ta paix, ton amour. Apprends-moi encore davantage à écouter ta parole et à mettre en pratique tes prescriptions, ce que tu m'enseignes à tous les jours. Que ton nom soit loué. Amen.